Château de Ville présente. Une étoile dans la gorge. Je tremble. J'entends la pluie écrasée sur mon toit. C'est un bruit entre le pas et la chute. Je tombe du canapé, debout aussitôt. Je marche vers le deuxième étage. Les chambres sont silencieuses là-haut. La pointe de mon pied se tord contre une marche. De la tête, Je tape la rampe de l'escalier. Mon bras se rattrape. Mon corps se relève. J'accélère. Du débarras, je tire l'échelle. De l'échelle, je parviens à la trappe qui donne sur le grenier. Si mon cœur continue à battre, mon trépas s'annonce. J'accélère. Des nuées de poussière s'ébattent à chacun de mes pas. J'attrape la tuile fondue, je la laisse tomber sur le côté. Je sens le vent sur mes côtes. J'accélère. Dehors, la nuit fait pâlir mon chemin. Entre la gouttière et la nuit que j'essaye d'attraper vainement. J'ai donc deux bras. Deux. J'accélère. Le toit est mon domaine. La campagne, au loin, m'attrape. Un vent menaçant me précipite contre la cheminée où je m'éclate la mâchoire. Tout tremble. J'essaye alors de crier que ma mâchoire se décroche. Elle le fait. Tout tremble. Un radam bruyant, une odeur nauséabonde s'élève de la cheminée pour retomber sur moi. Les chambres. Les chambres sans verrou. À travers les tuiles fendues, on m'attrape et me tire. Ma peau s'en va, je crois. Mes ongles s'en vont, je crois. Mon nez s'en va, je crois. Mon regard tombe. We'll be right back. Quoi au début là? On disait quoi au début? Pour la dernière fois. Te demande. Non mais avant là, avant. C'est avant, simple. Non, mais... C'est simple. Je te parle. Oh, je sais plus. Non mais je suis embrouillé. Tu m'as embrouillé là. Tu m'as complètement embrouillé. C'est tout. T'es en train de me faire culpabiliser là. Tu es en train d'une évidence. C'est ça ton jeu en fait. Mais voilà. Ton petit jeu là. Mais la ton communication manager. Ne passe plus. La communication. J'ai bien compris entre toi. Tu essayes de me faire culpabiliser. C'est ça. J'essaye de trouver une issue. Tu t'écoutes pas. Moi je t'écoute moi. Moi je t'écoute. En faisant croire que c'est ma faute. Moi je t'écoute. Contrairement comment à toi, ça, tu sommes insatiables. Attends, moi, j'ai rien fait, moi. Attends, la dernière fois que tu m'as tu dit pas en mesure de le faire, non, moi, mais c'est infernal. À la c'est infernal. Moi, c'est infernal. C'est écoutez, moi, de écoutez, on essaye de trouver un compromis. Il n'y a pas moyen, non? On s'en fout. Écoutez, et j'ai fait ce que tu m'as dit. Voilà. Toujours avoir ta vie. Moi, je suis capable de le faire. C'est pas la peine de hurler comme ça. Tu peux tuer rien. C'est plus fort que toi qui arrêtes. Moi, je suis capable de lever la voix. C'est insupportable. C'est insupportable, tu vois. J'essaie de te parler, tu ne m'écoutes pas. C'est trop simple de jouer. Comment tu veux qu'on évolue tout ça ensemble? Que l'information passe, c'est comme ça. Mais merde, point final. Moi aussi, je peux taper du poing sur la table. T'entends là? Moi, je peux taper du poing sur la table. Faire voir qu'il y a une interruption. J'en ai rien à voir. Tu es tellement buté que t'as pas moyen. J'ai l'impression d'entendre tout seul. C'est pas possible. Je pars tout seul. Mais ça change absolument rien. Ça ne change pas. Je fais les gros yeux. Je réponds rien. Tu réponds à tout. Voilà, pour dire. C'est l'évidence. Mais non, il n'y a rien d'évident avec toi. T'es tendu la main. Voilà, oui, voilà. Je pense de trouver un terrain d'entente. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un état de jeu. Je fournis des efforts. Mais et que toi, tu es dans l'incapacité. Tu ne fournis pas d'efforts, toi. De dire, ami, c'est simple. Un point final. Voilà. Sale. Ça, je vais même te dire un truc. On s'en fout. Je suis sûr que on s'en fout. Fait le maximum qu'on va aller comme ça. Mais je comment tu veux que l'information passe. Tu vas atteindre une limite avec moi. Je ne suis pas en mesure de faire ça. Tu l'es su et ça. Il m'a jamais vu en colère. Il n'y a pas moyen. Comment tu veux que l'information passe. Attention. Moi, je vois bien. Je ne suis pas trop le bouchon. Voilà. J'ai essayé d'être dans le compromis. Le problème, mais ça marche pas. Tu le contournes. Pourtant, c'est pas les mots qui manquent comme ça. C'est pas les mots qui manquent. Je crois qu'on donne tout. Tous les mots. C'est dommage. Enfin, tous les mots. Tout ce qu'on a là tout de suite dans la bouche. Non, mais on disait quoi au début là? On disait quoi au début? Non, mais avant là. Avant. Non, mais. J'en ai pas d'autres qui me viennent à l'esprit pour l'instant. Ah, je sais plus. Non, mais je suis embrouillé. Tu m'as embrouillé là. Tu m'as complètement embrouillé. Tu vois? Non, c'est triste. C'est triste. C'est dommage. Avec toi tout à l'heure, j'aurais pu me faire du bien. Je parle pas couramment de ces choses-là avec les balançoires, ni les oiseaux, ni les remparts. Au loin, ta voix comme un rossignol, l'eau dans un endroit très propre et sec. J'ai vrillé. J'ai quitté la ville. À cloche-pied, derrière cette voiture noire qui t'emportait entre les flots. Comme des pions noirs dans une boîte hermétique, tu es. Un animal dedans, c'était moi. Je repassais ma tête entre tes bras. Et le corps, suivra. J'étais une fille très obéissante avec toi. Et puis, tes robes de coton, la flanelle qui, jour et nuit, m'ouvrait les bras. Ta voix chaude comme du miel, et le tissu de tes robes, quand le rouge était mis, tu sais, avec toi tout à l'heure, derrière ma maison, j'aurais pu me faire. Je parle pas couramment de ces choses-là avec les balançoires, ni les oiseaux, ni les remparts. Au loin, ta voix comme un rossignol, l'eau dans un endroit très propre et sec. J'ai vrillé, j'ai quitté la ville. frontières. Je te lis comme tu m'ignores dans la profondeur des sens. Le regard reflétant les caractères essentiels, ceux qui ructent les tripes. Je te traverse quand tu t'enracines dans le flot des autres, allant à contre-nature jusqu'au bout de l'âme, jusqu'à la cime des silences. Demain est un ailleurs malvenu, goutte à goutte perfide. Tu veux rire, innocent, de l'instant refroidi du paradis moqueur, en disant « c'est écrit ». Est-ce que je tremble, moi ? J'irai, je l'ai dit, de seconde en seconde, courtisant l'éphémère grâce sans doute, avec toi passant pour toujours, sur le bord de mes lèvres. Grip from my palm. Exil. Voilà 1000 ans que je rêve. Le rêve d'un autre. Celui d'un animal pris au piège dans ma boîte crânienne. Je cherche à lui parler parfois. Un vocabulaire d'avant l'heure. Un vocabulaire perdu qui me permettrait de le lui dire, qui lui permettrait de me répondre. Je lui adresse la parole. Il remue. Il attend la minute propice, devant la grille, à la porte. L'indigène, le veilleur d'aplomb échu. Le voilà qui maintient le désordre. Le voilà qui me pousse dans les draps sales. Pour me remémorer, me désaltérer, il n'est pas loin. Et je devine son souffle bien souvent, son approbation, sa volonté, son angoisse. La mienne, son amusement. Il n'a que faire de mon hystérie. La mer me rentre dans le crâne. Il ne demande rien que la nuit tombée, que la chute des défenses. En ces mots, un à un, lui passe à travers. Je n'ai rien d'autre. Puisque ce monde est construit de la base au sommet, puisque je ne peux m'en extraire, ce feu maintenu. Je colle mon oreille sur son âtre. J'entends le bruit de son sang, le col de ses signaux. Je l'entends couler sur le mur, se faire jour de l'autre côté. Celui où je ne peux aller. La vie se met au versant interdit. I was born in a cloud. Keep falling, I'll find you. We're over a forest, there's millions of snowflakes. Keep falling, I'll find you. I am home. can see horses. Wading through snow drifts. The world is so loud. D'un rebord touché par la lumière. Très loin, le vent furieux frappe, frappe la peau, frappe la peau des mains. Frappe la peau de la nuque, frappe les cheveux noirs, très loin, très loin. Tu entends le vent furieux, tes paroles, le froid, les livres, très loin, loin de la question file, où vas-tu? Maintenant tu entends très loin le vent furieux, très loin, poser ses paumes sur la pierre et le ciel s'est échappé de blanc, très loin le vent furieux, et dans la maison l'ombre déplacée, loin, très loin, très loin. Tu cherches une réponse du vide des couleurs, du vide de l'image, du vide du jour, très loin. Détacher le visage de la nuit, ses pointes fières des étoiles fermées, très loin de, du rebord, d'un rebord touché par la lumière. S'arrêter, et dans la maison l'ombre file. Thank you. Cette émission vous a été présentée par Oslo Deauville. Vous pourrez retrouver sur le site de Radio Soleil 35 et le blog Zoorama Plus la playlist des morceaux joués et les références de textes lus. À tous ceux qui ont une étoile dans la gorge, je vous dis à bientôt.